faire comme ceux attirés dans le filet. Ces gens se font berner pour être mieux emprisonnés dans les griffes d'un système dont ils ne peuvent s'échapper. Vouloir toujours penser faire le meilleur choix, ne pas pouvoir réfléchir comme il se doit. Le monde qui nous entoure nous pousse à converger vers un système banalisé. Chacun de nous se laisse manipuler, influencer au point de perdre sa personnalité. Principal responsable du trouble d'identité. Dès l'instant où tu y touches, tu ne peux plus renoncer. Tu es alors victime d'un clan pour qui t'as signé. Le jour où tu comprends jusqu'où tout ça t'a mené, tu ne peux plus reculer, l'étau s'est trop refermé. Vouloir toujours foncer la tête la première, ne pas avoir le choix de faire marche arrière. Le monde qui nous entoure nous pousse à converger vers un système banalisé. Chacun de nous se laisse manipuler, influencer au point de perdre sa personnalité. Principal responsable du trouble d'identité. Vouloir tout quitter, vouloir tout quitter, ne plus rien garder, ne plus rien garder. Ils ont tout souillé, ils ont tout souillé, et t'ont ravagé, et t'ont ravagé. Chacun de nous se laisse manipuler, influencer au point de perdre sa personnalité. Principal responsable du trouble d'identité. Le monde qui nous entoure nous pousse à converger vers un système banalisé. Chacun de nous se laisse manipuler, influencer au point de perdre sa personnalité. Principal responsable du trouble d'identité.